les différents rois qui ont suivi, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église va basculer dans un processus de plus de 1000 ans de ténèbres, qu'on appelait l'âge des ténèbres de l'Église. Alors, durant cette période-là, vous voyez, à l'âge de Thyatire et de Smyrne, qu'est-ce que la Bible, Dieu va dire quoi? Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Dieu permettait qu'on tue les gens. On a crucifié les gens. On a brûlé les gens. Janda et autres, jeté les gens en pâture au lion. Parce qu'ils avaient la vérité. Parce qu'ils tenaient pour la vérité. De la même façon, il y a des gens baptisés maintenant. Il y a l'Esprit de Dieu maintenant sur des gens qui vont tenir ferme contre l'esprit dénominationnel. Et souvenez-vous, ce n'est pas l'État qui va persécuter plus. Souvenez-vous, ce ne sont pas des Romains qui ont persécuté Jésus. Ce sont des pharisiens qui sont allés le livrer entre les mains de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu que l'heure vient où vos frères vont vous livrer. Vous vous souvenez de cela? Donc parce que leur œuvre est mauvaise. Quand on va dénoncer les œuvres, ils vont dire, les voilà, c'est eux qui font comme ça. Et eux-mêmes, ils vont former des congrégations pour nous livrer. Mais nous n'en faisons notre vie aucun cas, comme si elle nous était précieuse. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Donc, aucune autorité sur cette terre, aucune personne sur cette terre n'a d'autorité au-delà de la parole de Dieu. Toute autorité qui ne se soumet pas à la parole de Dieu, qui n'est pas en droit de nier la parole de Dieu, doit être bafouée par tous les enfants de Dieu qui sont sous cette autorité. Alléluia. La seule autorité sur nous, c'est l'autorité du Saint-Esprit. Et toute personne, toute autorité parmi les hommes qui dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, nous devrons nous tenir contre cela et subir la persécution. Souvenez-vous, plus les persécutions passaient dans l'histoire de l'Église, plus les gens, l'amour était grand pour le Seigneur. Amen. Les gens donnaient volontiers leurs biens. Lisons le livre de Hébreux chapitre 13. Alléluia. Alléluia, quelle église glorieuse nous devons avoir. Amen. Oui. On a la question, la sœur Goma, oui. Amanda de Dubaï. Oui. Elle a écrit, elle demande, le fait que les gens vont à Bethel, à Nazareth, à Galilée, est-ce oui. que c'est une abomination? C'est exactement, voilà pourquoi Dieu a dit dans Amos chapitre 5, verset 4, il dit ne cherchez pas là-bas. Parce que les gens avaient pour habitude, et c'est le propre des êtres humains. Quand Dieu se manifeste quelque part directement le lieu, ici au Cameroun, on a dit que la statue de Marie, la démon appelée Astarté est apparue en Simalène. Les gens sont allés déterrer les arbres là-bas parce qu'il y a une manifestation spirituelle. C'est comme ça l'être humain. Alléluia. À bien plus, on peut même aller jusqu'à adorer quelqu'un. Donc Dieu dit qu'on ne cherche pas un lieu, qu'on le cherche. Si on le cherche, on le cherche d'après sa parole. Alléluia. Si vous lisez dans le livre de 1 Timothée, si vous lisez l'histoire de l'arche de l'alliance qui avait été pris par les Philistins. Vous lisez, la Bible déclare que dans le livre de 1 Chronique, la Bible déclare que David tient conseil. Souvenez-vous, David c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David tient conseil avec tout le peuple et il dit, ça fait longtemps que l'arche de l'alliance n'est pas revenue à Jérusalem. Montons prendre l'alliance, l'arche de l'alliance de notre Dieu. Vous voyez, ils avaient des bonnes paroles, ils parlaient des dieux d'Israël. Il ne servait pas autre Dieu. Souvenez-vous bien de ça, vous qui m'écoutez maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a raboté les plus beaux bois, le plus beau chariot pour aller transporter l'arche de l'alliance. À partir de cet instant-là, David avait raté le plan de Dieu. Alléluia. Donc, David est allé chercher Dieu. Remarquez très bien, quand l'arche va se pencher, Uzza va tendre la main, le feu de Dieu va sortir, va le brûler. David va prendre conscience que, qu'est-ce que je fais là? Je ne peux pas le mettre chez moi. Je ne peux pas mettre cette arche chez moi. Pourquoi? Il y avait le prophète Nathan là-bas. Pour chercher l'Éternel, il devait chercher l'Éternel selon la parole de l'Éternel, comme il avait toujours fait pour aller en guerre. Il va choisir sa propre voie, voulant servir Dieu à sa manière. Mais au chapitre 15, qu'est-ce qu'il va dire? Il va appeler les Lévites et les sacrificateurs pour leur dire quoi? Il dit, parce que nous n'avons pas cherché l'Éternel selon sa parole. Parce que nous n'avons pas cherché l'Éternel selon sa voie. Parce que vous n'y étiez pas la dernière fois, l'Éternel nous a frappés. Amen. Parce que la loi de Dieu disait que l'arche de l'alliance, quel que soit l'endroit, on devait les déplacer. C'est 4 Lévites. C'est seulement les Lévites qui devaient porter l'arche de l'alliance sur les épaules. Même si tu avais l'aéroport, tu as le grand aéroport, le plus grand avion, Dieu avait décidé, et c'est définitif et c'est total, que l'arche de l'alliance devait être portée par les Lévites, pas autre tribu. Si Manassé avançait là-bas, Dieu devait les frapper. C'est un signe pour notre époque, pour ceux qui disent que Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Dieu était avec David, mais Dieu l'a corrigé. Dieu l'a corrigé. Dieu merci, David s'est repenti et il est revenu à la raison. Je prie que les pasteurs qui ont porté l'âge de l'alliance alors que ça n'était pas leur pas réservé, qui ont porté les dénominations alors que ce n'était pas comme ça, revient à la parole de Dieu comme David l'a fait. Voici la voix de Dieu qui dit, cherchez-moi par ma parole. Dieu n'a pas changé. S'il n'a pas fait quelque chose, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 20, la Bible dit que nous avons été édifiés, construits. Les chrétiens sont bâtis d'après le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ était la pierre angulaire. Donc, si les apôtres ont fait, frères, sœurs, ont fait. S'ils n'ont pas fait, on met ça de côté. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. C'est ce que la Bible déclare. La Bible déclare que la parole de Dieu est oui et amen. C'est définitif. Amen. Dans Romains chapitre 3, le verset 3, amen. Il est écrit, oui. Oui. Oui, oui. Absolument. Bonne question. Vous voyez, ça touche là la question des dispensations. J'aimerais bien poser la question que, comme tu viens de poser là, plusieurs personnes ont la même question. Prenons un exemple. Vous vous souvenez que quand le Seigneur Jésus-Christ était là, il y avait un souverain sacrificateur appelé Caïphe, n'est-ce pas? Celui qui était souverain sacrificateur cette année-là. Alors, si vous lisez le livre des Jean au chapitre 11, à partir du verset 45 et plus, qu'est-ce qu'il est écrit? La Bible déclare que les Sanhédrin s'est réuni, c'est Caïphe qui s'est levé, il a dit que vous n'y voyez rien, vous ne voyez pas qu'il est important que c'est un homme qui meurt pour le peuple. La Bible déclare qu'étant souverain sacrificateur, il prophétisa. Vous avez entendu ça? Il prophétisa que non seulement Jésus devait mourir pour le peuple, mais c'était afin de réunir les enfants de Dieu dispersés. La question que je pose est, par quel esprit prophétisait-il, puisqu'il était souverain sacrificateur de Dieu? Le voilà, Dieu montre maintenant qu'il y a une nouvelle ère qui est en train de se passer. Jésus est en train de faire une chose nouvelle. Lui, il est dans une ancienne alliance. Et cette alliance-là, il est souverain sacrificateur selon un ordre, selon une dispensation. Mais le problème, c'est qu'il se trouve devant, face à face à une dispensation. Ce qu'on appelle par exemple la zone tampon. Donc la zone où la loi devait faire place à la grâce. Alléluia. Là où la loi devait faire place à la grâce. Maintenant, ça, c'était le trait d'union entre la loi et la grâce. Voilà le souverain sacrificateur selon la loi là-bas. Voici le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek qui se tenant devant lui. Le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, l'autre souverain sacrificateur selon la loi prophétise dans sa vie. Alléluia. C'est un peu comme toi, tu disais que tu étais dans la dénomination. Oui, c'est vrai. Plusieurs personnes étaient dans la dénomination. Mais maintenant, est-ce que c'est la dispensation maintenant de sortir? Oui, il faut sortir. Dieu a laissé, par exemple, pendant les mille ans de ténèbres qui s'est passé dans l'église. Les gens étaient dans les grottes, dans les sous-sols, se cachaient dans les champs. Dieu les connaissait. Dieu a laissé passer comme ça. Il pouvait préserver des gens. Mais c'est dans le plan de Dieu que ça arrive ainsi. Dieu veut que maintenant, au temps du soir, qu'on retourne. Oui, mes soeurs, oui, mon frère, des gens sont dans les dénominations. Ce n'est pas pour autant qu'on doit y rester parce que Dieu a dit qu'on sorte. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que Judas Iscariot était avec les disciples, mais il n'allait pas là-dessus se pendre. Ce n'est pas pour rien, pour autant qu'on doit aller se pendre comme lui, il s'est pendu. Non. On doit suivre le bon exemple. Ce n'est pas parce qu'il a fait comme ça, il a guéri les malades. Oui, il a guéri les malades au nom de Jésus. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a laissé pendre. Il a quitté la voie de Dieu. L'Esprit de Dieu était sur les dénominationnistes. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Dieu était à l'œuvre sortant son peuple. Chaque fois, chaque ministère, chaque enfant de Dieu, chaque prophète de Dieu, des réformateurs que Dieu va envoyer, il va leur dire seulement de sortir. La voie de Dieu n'a pas changé. Luther, Zwingli, Jean Calvin sont sortis de la même façon dans un système. Mais le problème, c'est que tous les réformateurs sont sortis, ne sont pas rentrés dans la parole originelle. Voilà pourquoi ça a été répliqué. Les méthodistes, les baptistes, les évangélistes, les pentecôtistes, et maintenant, plus proche de nous maintenant, les pentecôtistes et l'église réveillée. Pourquoi? Parce que les gens sont sortis, répliquer encore le même système dans lequel ils sont sortis. Voilà pourquoi j'invite tous ceux qui sont sortis des dénominations de passer au scanner du Saint-Esprit. Examinez toutes choses d'après la parole de Dieu et ne mettez pas le sentiment. Plusieurs personnes mettent le sentiment en disant que j'ai mes personnes, c'est mon pasteur qui m'a conduit à Christ. Non. L'apôtre Paul dit que qu'est-ce que Apollos? Les serviteurs par le moyen duquel vous avez cru. Donc ce n'est pas eux qui sont importants, c'est la voix de Christ. Mon pasteur, moi-même qui m'a amené à Christ, je lui enseigne maintenant des choses parce qu'il était dans le faux. Maintenant, il est revenu à la raison. Quel homme humble. Alléluia. Il faut qu'on marche d'après le Seigneur. Pourtant, celui qui m'a amené en Christ, il n'y a pas la durée dans le Seigneur ici, ma soeur. C'est la relation avec le Seigneur et la révélation d'après la parole. Si c'est clair que tu aies fait 80 ans dans la foi, tu dois devoir y revenir ou bien tu vas être contre. Maintenant, ma soeur, je vais expliquer quelque chose. J'ai parlé des dispensations. C'est d'après les dispensations qu'on est en train de vivre. Comme l'Esprit de Dieu est en train de révéler aux gens des sorties de domination, ça veut dire que Dieu va faire une nouvelle chose. Comme Caïphe était là, quand Jésus était né, il était dans le berceau. Souvenez-vous, il allait au temple, il allait aux festivités avec sa mère. Ce n'était pas encore la dispensation de Moïse, était toujours là. Mais lorsqu'il est écrit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, lorsque le Seigneur Jésus a lu dans Luc chapitre 4, qu'aujourd'hui, cette parole du livre d'Ésaïe est accomplie. L'autre dispensation était terminée devant Dieu. Et c'était maintenant le système de la grâce et de la vérité en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, faisons attention. Maintenant, il est écrit, sortez du milieu de cette parole est restée inerte depuis l'an 95. Les gens prêchaient. Maintenant, voici la réalité. Il faut que les gens sortent. Les deux dispensations, le système de Moïse, le système de la loi, le système de dénomination étaient toujours là. Mais maintenant, Dieu veut faire une chose nouvelle. Selon le plan qu'il avait initialement en lui-même, de nous réunir en un seul corps, appelé corps de Christ. Sortez. Alléluia. Oui. Amen, bonne question. Bonne question. Avant de répondre, répondons par la Bible. Dans le livre de 2 Corinthiens, alléluia, sorti pour aller aux bonnes questions. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, alléluia, verset 17, la Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu de... Il faut qu'on suive l'ordre de Dieu. En fait, si quelqu'un est né de Dieu, il va suivre la voie de Dieu. Regardez ce qu'il est écrit dans le chapitre 17, verset 17. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Voilà la deuxième chose. Parce qu'il y a des gens qui sortent, après ils viennent à la maison, ils reviennent encore là-bas. Ils disent, non, j'ai quand même mes amis là-bas, j'ai fait telle chose là-bas, je vais pour les convertir. Non, ne faisons pas de telles choses. Tu joues avec le feu. Dieu a dit, sortez du milieu d'eux, deux, séparez-vous. Donc il faut qu'il y ait séparation physique. Il faut qu'il y ait séparation claire. Dit le Seigneur. Et dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Toutes ces choses-là. Dans Ésaïe chapitre 28, verset 8 à 11, il dit quoi? Il dit, toutes les tables sont pleines de vomissures. Ce n'est que précepte sur précepte. Chaque dénomination a ses règles. Sinon, s'ils avaient les mêmes règles, alors, puisque la seule règle, c'est la parole de Dieu. Si c'est la même parole qui était prêchée, alors, unanimement, on devrait être d'accord. Mais telle dénomination ne croit pas au baptême au nom de Jésus. Telle ne croit même pas à la manifestation du Saint-Esprit. Telle ne croit plus au miracle. Vous pensez que Jésus-Christ est là-dedans? Non. Jésus-Christ est fidèle, il ne peut pas se régner. Ici, la Bible déclare, ne touchez pas ce qui est impur. Pourquoi? Et il dit, je vous accueillerai. Voilà la réponse, ma soeur. Il dit, je vous accueillerai. Donc, c'est qu'une soeur, un frère qui m'écoute maintenant a à faire, sa responsabilité, c'est d'abord de sortir. Ne réfléchis pas là où tu vas aller, point. Ne réfléchis pas, Dieu a promis qu'il va t'accueillir. Vous avez les maisons. Alors, quand après cette sortie, alléluia. Oui. Amen. Et c'est pour ça que... Ok. Ah. Ok. Bonne question encore, ma soeur. La première question que je pose, c'est si... En fait, même si on veut imiter les apôtres comme ça, comme quelqu'un dit comme ça, d'accord? La seule façon pour eux de partir, c'est qu'il faut qu'ils partent à Jérusalem. Alors, il faut qu'ils partent à Jérusalem parce qu'il y avait un seul temple. Quel que soit le cas, vous allez voir par exemple, l'apôtre Paul va dire, il dit que je veux, si Dieu le permet, qu'il faut que j'arrive à la Pentecôte à Jérusalem parce qu'il voulait se présenter à Jérusalem. Parce qu'il était n'importe où, il fallait qu'il vienne à Jérusalem pour rendre le témoignage de Jésus là-bas. Alléluia. Donc, si quelqu'un veut imiter ce que les apôtres faisaient, la seule et unique façon de le faire, c'est qu'ils partent à Jérusalem. Maintenant, il faut expliquer aux chrétiens pourquoi le temple, pourquoi ils partaient au temple. Le Seigneur Jésus-Christ, en allant au ciel, a dit dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8, il a dit, mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Il fallait que le témoignage soit d'abord à Jérusalem, puis en Samarie, ainsi de suite. Amen. Donc, voilà pourquoi il partait au temple. Il ne partait pas au temple pour communier. Non. La Bible déclare que leur communion, c'était dans les maisons, pour montrer que après être là-bas, aller là-bas pour impacter, ils venaient et la communion des chrétiens était dans la maison. Ce n'était pas des chrétiens qui étaient au temple, non. Les chrétiens allaient au temple pour les enlever sous le système de Moïse. Alléluia. Les chrétiens allaient au temple pour les enlever sous le système de Moïse. Les chrétiens n'ont pas de temple parce que les chrétiens forment le temple. Le culte chrétien, proprement dit, c'est le seul culte où il n'y a pas de sacrifice humain à donner, où il n'y a pas de sacrifice extérieur à donner, c'est seulement le sacrifice de l'air, c'est-à-dire le fruit qui confère son nom. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Oh, oui. Donc, dans le monde entier, si vous nous écoutez, faites signe. Dans le monde entier, si vous nous écoutez, faites signe. Soyez bénis tous ceux. Vous êtes, vous qui êtes à Londres, vous qui êtes au Nigeria, en Italie, en Amérique, dans l'Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest. Quel que soit l'endroit où vous trouvez, le Saint-Esprit vous connaît. Il connaissait l'Éthiopien, éthiopien, il connaissait là où il était dans le désert. Alléluia. Alors, la soeur, est-ce que tout est en ordre là maintenant? Alléluia. Amen. Est-ce que tout est en ordre? Oui. Alléluia. Oui. Donc, je disais donc que le temple, ils allaient au temple pour impacter. Nulle part il n'est dit. Remarquez très bien. Prenons le Actes des Apôtres, par exemple, le chapitre 3, parce que la Bible déclare qu'ils allaient en lieu de prière. Nulle part, ne dites pas ce que la Bible n'a pas dit. La Bible a dit dans le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 6, il n'ajoute rien à sa parole de peur qu'il ne te réprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Chapitre 3, qu'est-ce qu'il est écrit? La Bible déclare, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e, c'est-à-dire à 15h. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. La Bible déclare par la suite, d'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit. Écoutez bien, tout le monde, donc ceux qui étaient au temple le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique, dit Salomon. Pierre voyant cela, oh mon Dieu, Pierre voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Alléluia. Donc vous voyez, la Bible n'a pas dit que Pierre est allé au temple pour prier. Voici le but pour lequel il est allé. Subitement, quand il va prêcher maintenant, plusieurs personnes vont être converties. Voilà le pourquoi il partait au temple. Partout. Et maintenant, pour ceux qui raisonnent ainsi, quand vous lisez Actes des Apôtres jusqu'au chapitre 18, à partir du verset 9, vous ne verrez nulle part jusqu'à ce que le Nouveau Testament finisse. Mes chers amis, lisez votre Bible. Vous ne verrez plus nulle part partout où il est écrit que les disciples allaient encore au temple. En fait, le Nouveau Testament conclut par ceci. L'Acte des Apôtres conclut au chapitre 28. Lisons au chapitre 28 quelque chose. Parce que les gens lisent ça et ne comprennent pas. Regardez bien. Quand les Juifs vont venir voir Paul dans sa maison de résidence où il était à Rome, voici ce qui se passe. Regardez bien. Verset 23 du chapitre 28 de Actes des Apôtres. Il lui fixait un jour et plusieurs vins le trouvaient dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le lendemain, le matin jusqu'au soir. Écoutez bien, les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, les autres ne crurent point. C'est ça le groupe. Les gens vont comprendre. D'autres vont accepter, d'autres n'ont pas accepté. Nous, on fait l'œuvre du Seigneur. Verset 25 dit quoi? Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Esaïe, a dit, « Va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ça, écoutez bien maintenant verset 28. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et ils l'écouteront. Lorsqu'il dit cela, les Juifs s'en allaient discutant vivement avec eux. Donc voilà le but pour lequel il allait. La Bible déclare que le salut vient des Juifs. Il fallait que le témoignage soit d'abord établi à Jérusalem, soit d'abord établi parmi les Juifs, afin qu'ils soient sans excuse devant Dieu. Maintenant, comme ils ont rejeté, à partir du chapitre 18 des Actes des Apôtres, les apôtres ne mettent plus les pieds dans le temple. Parce que le témoignage, en effet, au chapitre 8, verset 1, Dieu va frapper par la dispersion, par le maître d'Étienne. Il va disperser les gens. Partout, ils vont aller rendre témoignage exactement là où Jésus avait dit dans Actes chapitre 1, verset 8, qu'il devait aller. Dans Actes chapitre 8, verset 1, il avait dit, vous allez aller premièrement à Jérusalem, en Samarie, en Judée et toutes les extrémités de la terre. Si vous lisez le chapitre 8, verset 1, ils sont allés exactement là-bas après la persécution, parce que c'est l'ordre de Dieu. Alors, quand vous voyez les gens qui étaient à Antioche, qui ont cru à Antioche, est-ce qu'ils partaient au temple? Il y a un temple à Antioche? Ceux qui ont cru à Corinthe, est-ce qu'il y avait un temple à Corinthe? Oh, que Dieu nous aide vraiment. Quand il y a ceux qui ont cru à Rome, est-ce qu'ils sont allés à Rome il y a un temple à Rome où ils devaient adorer? Ceux qui ont cru en Thessalonique et ainsi de suite. Que nous revenions dans la parole de Dieu. Oh non, non. La persécution, remarquez très bien ce qui est écrit. Si vous lisez chapitre 2, là où le Saint-Esprit est même descendu, la Bible déclare qu'ils étaient dans la chambre haute. Donc le Saint-Esprit est venu sur l'église et l'église est née dans la maison. Au chapitre 2, verset 2, la Bible déclare que le Saint-Esprit, tout à coup, il vient un vent impétueux, comme un vent impétueux, et le Saint-Esprit remplit la maison où ils étaient assis. Ils n'étaient pas dans le temple parce qu'ils attendaient ce que Dieu devait leur donner. Maintenant, regardez que l'église est née dans la maison. L'église est née dans la maison. Et par la suite, la persécution, ce n'est pas le problème, ce n'est pas parce qu'ils partaient au temple, non, ce n'est pas seulement parce qu'ils partaient au temple. Ce n'est pas à cause du fait qu'ils étaient persécutés qu'ils se réunissaient dans la maison. Ok. Après la persécution d'Étienne, la Bible déclare que l'église était en paix dans toute la journée en ce temps-là. Alléluia. La Bible déclare que l'église était en paix. Donc, ce n'est pas chaque fois qu'il y avait la persécution. Il y a eu persécution sous Néron. Nonobstant du fait que les chrétiens, on ne les persécutait pas parce qu'ils venaient au temple. Il y avait la persécution venant des différents royaumes. Il y avait la persécution des Juifs. Parce que cet apôtre, vous allez voir comment quand on va l'amener en prison, les Juifs vont venir déposer contre lui. Il va appeler à César. Il va voyager jusqu'à Rome. Après, les Juifs vont voyager depuis Rome, depuis Jérusalem, pour venir à Rome témoigner contre lui. Donc la persécution n'était pas à cause du temple seulement. Ce n'est pas à cause de la personne qui habitait dans la maison. Il faut qu'on comprenne que l'église de Dieu, l'épouse du Seigneur Jésus, les frères et sœurs, en fait, nous appelons frères et sœurs. Notre réunion, c'est dans la maison, puisque c'est une réunion familiale. Nous nous comportons en famille. Nous rompons de plein la simplicité de cœur. Nous avons tout ensemble dans la communion. C'est comme ça. Dans les dénominations, ce n'est pas comme ça. Chacun sort de son lieu, vient se rassembler là-bas et par la suite, il rentre chez lui. Ce n'est pas la communion. La Bible déclare qu'ils demeuraient ensemble parce que c'était l'église de proximité. Les frères s'exhortaient mutuellement. Les gens qui habitaient à un pas, deux pas, trois pas pouvaient se réunir dans les maisons. C'est comme ça le modèle biblique de l'église. L'église se réunit comme ça en église locale de façon autonome et indépendante d'une dénomination, indépendante d'un général overseer, d'un apôtre qui a quelque chose en Amérique où elle a créé son église. Non, c'est l'église du Seigneur. Et c'est très important de comprendre cette notion. Si on perd de vue que c'est l'église du Seigneur, que c'est le corps de Christ, et en fait que ce n'est pas un homme qui bâtit, que c'est le Saint-Esprit qui doit nous utiliser comme instrument, comme les membres, chaque pierre de cet édifice doit se former elle-même pour être une habitation spirituelle de Dieu, une habitation spirituelle de l'Esprit de Dieu. Et le modèle a été posé une fois pour toutes. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, que j'ai posé la fondation comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Il dit, faites attention de la manière dont vous bâtissez dessus, parce qu'aucune autre fondation, ne peut plus être posée, à savoir Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ seul, qui est la pierre angulaire, la parole, telle que la Bible est écrite, ma soeur, en fait, il ne devrait pas avoir de discussion. Si quelqu'un est sincère, remarquez très bien que David a été sincère, il a reconnu sa faute. L'apôtre Paul, quand il a été appelé, il croyait servir sincèrement Dieu. Alléluia. Puisqu'il a fait ses études, il a fait les études doctorales. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne réussit-il pas? Souvenez-vous de Gamaliel. Gamaliel qui était un docteur de la loi. Il a vu encore l'apôtre Paul, il a dit non, c'est pas moi qui l'ai formé. Cette chose-là, si ça vient de Dieu, on ne peut pas combattre. Pourquoi? Parce qu'il voyait très bien que ce qu'il avait enseigné à l'apôtre Paul n'a rien à voir. L'apôtre Paul dit qu'il persécutait à outrance l'église de Dieu vivant. Mais il agissait selon dans l'ignorance. Beaucoup de personnes travaillent avec l'esprit de dispute, avec l'esprit antéchrist, parce que l'antéchrist veut dire l'anti-parole. Si quelqu'un dit quelque chose qui est contre la parole, je douterai de l'esprit qu'il a reçu, parce que Jésus a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne peut pas venir conduire les gens dans le mensonge, ce n'est pas possible. Donc je réponds à ta question, si c'est un autre esprit qui est venu sur eux, alors ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4, il dit, mais bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais sondez tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. L'esprit qui confesse Jésus qui venait en chair. Jésus qui venait en chair est confessé parce que c'est la parole manifestée. Et la parole et l'esprit sont un. La parole ne peut pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir confesser autre parole parce que Jésus qui a dit qu'il va venir, il va nous conduire dans toute la vérité. Il prendra de ce qui a lui la parole pour manifester à l'église. Donc si quelqu'un dit qu'il a la révélation, si c'est contraire à la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Donc Jésus qui a promis le véritable Saint-Esprit. Amen. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. De ronger. Oui. C'est la dénomination. C'est la dénomination, ma soeur. Absolument. Oui. Bonne question. Bonne question. Amen. Oui. Évitez de telles personnes au milieu de vous parce qu'il y a encore l'esprit dénominationnel. Oui, ma soeur. J'ai dit, évitez donc de telles personnes. Voilà pourquoi quand après être sorti de dénominations comme ça, il faut que les gens soient épurés. Sinon, ils vont répliquer encore le même système. Parce que c'est un système dont il est question. Ce ne sont pas les êtres humains dont il est question, ma soeur. Ce n'est pas les êtres humains dont l'Esprit de Dieu combat. C'est le système dénominationnel. Il faut que les gens soient comprennent très bien. Le système qui a été mis en place, c'est un système contrôlé par l'Antéchrist. Prenons un exemple. Dans le livre de Daniel, par exemple, vous allez voir que le roi Darius avait 120 satrapes parmi lesquels il y avait Daniel. 120 satrapes maintenant dans les provinces étaient comme le gouverneur qui rendait compte à qui? À Daniel, à Darius. Maintenant, au-dessus de Darius, il y avait une entité spirituelle. Satan ne peut pas être à partout comme notre Dieu pour contrôler son royaume. Qu'est-ce qu'il fait? Il maintient les gens dans un système de pyramides, sachant que chaque personne doit rendre compte à une autre personne et au sommet, on doit lui rendre compte. Donc, c'est le système pyramidal, le système dénominationnel, c'est le système pyramidal. Comme tu as dit, l'église du Seigneur n'a pas de nom. L'église du Seigneur, c'est une entité spirituelle. C'est pas possible. En fait, quand on dit l'église du Seigneur, comment quelqu'un peut dire que il appartient au corps de Christ et il dit que nous sommes l'église de tel? Jésus a dit là où deux ou trois sont unis en mon nom, sont assemblés en mon nom. On ne peut pas s'assembler sous un arbre et être au nom d'une autre personne, c'est pas possible. Donc comme quelqu'un dit en Chine, Si vous remarquez donc ceux qui se réunissent dans les catacombes, dans les, sous les arbres, comme vous dites comme ça là, ils n'appartiennent pas à des dénominations. Je rends grâce à Dieu particulièrement en Chine et dans le pays de Népal et Pakistan et au-delà, où les frères se réunissent dans les maisons. En fait, il faut que Dieu suscite des persécutions comme ça, en fait, qu'on l'admette ou pas, le bulldozer du Saint-Esprit est en marche. Toute personne qui va s'opposer contre ça sera brisée. Et toute personne qui va se résister contre l'Esprit de Dieu ne font que s'attirer des ruines. Mais ceux qui vont accepter le mouvement de cet esprit vont aller sur les ailes du grand aigle, le Dieu des armées. Alléluia. Donc, ceux qui se réunissent donc dans les maisons se réunissent sans prendre de nom. Maintenant, quelle est la différence, comme tu as posé la question, quelle est la différence entre ceux qui se réunissent dans le nom? En fait, il faut que vous compreniez. Il n'y a pas de communion au sens biblique du terme dans les dénominations. Ça ne peut pas possible. Pourquoi? Parce que c'est une famille. Dans les dénominations, on ne se rencontre pas en famille, dans la maison. La Bible est claire, c'est la maison. Pourquoi? Si on prend par exemple, je prends par exemple la Sainte Cène. La Sainte Cène doit se passer, on doit rompre le pain en compagnie des repas. C'est le modèle biblique là-bas. Dans les dénominations, c'est impossible. On ne sait pas qui est qui. Il n'y a pas de communion fraternelle. Si vous prenez par exemple 1 Corinthiens chapitre 14, le culte d'adoration, comme ça doit se passer, ça ne peut pas se passer parce que, dénomination, souvenez-vous, j'ai dit que ce n'est pas la personne qui est le problème, c'est le système. Le système est clair. Chaque dimanche ou mercredi, les gens viennent se réunir. On connaît ce qui va se passer. Il y a les prières d'ouverture, les prières d'entrée, les chants, les groupes de louanges sont là, le groupe des anciens sont d'un côté. Le pasteur et sa femme, s'ils ne viennent pas en retard, en entrant, il y a des gens qui portent leur Bible pour entrer. Les gens se prosternent devant eux. Quand ils entrent, les gens se mettent debout. Après, il y aura les sermons, il y aura les cantiques. Donc, tout est régularisé. Vous ne pouvez pas voir des têtes chaudes dans la Bible, ma chère soeur, mes chers frères. La Bible déclare quand vous vous réunissez, que fait frère, que chacun se tient prêt dans la version parole vivante, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, il est écrit, que fait frère lorsque vous vous réunissez, que chacun se tient prêt à apporter sa part de contribution au culte. Ça veut dire que le culte rendu à Dieu était la participation de tout le monde. Vous ne verrez nulle part de tes choses dans les dénominations, parce que le pasteur va venir passer son message. Après, il va organiser des séminaires pour dépouiller le peuple de Dieu de l'argent. Alors, chaque samedi, c'est comme ça, dimanche après dimanche, on va venir sermonner. Voilà, prenons un exemple. Prenons un frère qui est assis à l'intérieur depuis 15 ans. Il ne sait pas à quoi il est appelé. Voilà pourquoi quand ils sortent maintenant, ils sont déboussolés. 15 années. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas pourquoi ils ont été appelés. Ils ont été appelés à aller s'asseoir seulement, à emmagasiner des conneries, des âneries, des choses diaboliques. Alléluia. Ils ne grandissent pas. Ils sont obèses spirituels. En fait, ils ne connaissent pas la direction. Pourquoi? Parce que cet homme qui est assis devant eux là-bas ne fait que les sermonner. Or, la Bible déclare que lorsqu'on est né de nouveau, nous sommes son ouvrage et a été créé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avant avant que nous accomplissions. Comment les gens peuvent être 20 ans dans la foi et ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire? Ils croient que quand ils partent au culte dimanche, comme ils disent qu'ils m'en vais à l'église là, ils partent rendre culte à Dieu. Non! Notre culte, nous avons une œuvre. Si tu es chrétien, tu as une œuvre à accomplir dans la voie du Seigneur. Voilà pourquoi il faut enseigner les frères, enseigner les sœurs. Sinon, chacun sera suppliquant. Dieu va demander qu'as-tu fait de ton talent? Qu'as-tu fait de ton talent? Tu vas dire, Seigneur, quel talent? Pourquoi? Parce que Dieu a mis le talent dans chaque chrétien. Il n'y a pas de chrétien sans don. Or, dans les dénominations, on étouffe les dons. Si tu appartiens à une dénomination qui ne croit pas au don des prophéties, si l'esprit de prophétie se manifeste, tu te lèves, tu dis ainsi par le Seigneur, on va dire tais-toi, c'est un démon. Pourquoi? C'est le système. Parce que chez nous, nous ne croyons pas aux prophètes. Nous croyons seulement aux pasteurs, aux docteurs. D'autres ne croient pas, oh ma soeur, oh mon frère. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Alors que dans la maison, les dons se manifestent, les gens se manifestent, chacun se tient contraint. En fait, les gens qui fuient pas à l'aide de l'illumination, ce sont les gens qui aiment le fou. Ils partent se cacher pour fuir leurs responsabilités. Ils ont donné la responsabilité de la prière au pasteur. La responsabilité de l'étude biblique au pasteur. En fait, si quelqu'un lit la Bible à la manière du Saint-Esprit, il va sortir de l'illumination. Je ne vais pas dire plus que cela. Parce que quoi? La parole de Dieu et les dénominations sont totalement opposées. C'est diamétralement opposé. Les pentecôtistes vont beau, oui. Oui. Amen. Si tu es seul là-bas, si tu es seul, ce genre de questions-là, je vais répondre à cette soeur en disant ceci. Tu ne peux jamais dire que tu es seul. Parce que Élie a dit la même chose dans le livre de 1 Roi. Dieu lui a dit que non, ne crois pas que tu es seul. Je me suis réservé 5000 hommes qui n'ont point fléchi le genou. Prie ma soeur. Ma soeur Claire, tu es un témoignage vivant. Quand tu as commencé, quand tu as sorti de l'union, tu étais seul. Mais maintenant, vous êtes nombreuses. Pas vrai? Mais qui fait cette œuvre? C'est le Saint-Esprit qui ramène les gens. Si cette personne sort, alors qu'elle reste dans sa maison, elle lit la Bible, elle dit, Seigneur, purifie-moi de différentes sorcelleries qu'on m'a enseignées. Et puis, mets aux côtés de moi, Seigneur, ceux avec qui je vais communier. Souvenez-vous, mes soeurs, ne soyez pas dans la précipitation. Sortez à la manière de Dieu. Il a dit, sortez et je vous accueillerai. Dieu a promis cela. Si tu écoutes sa voix, tu sors, il va t'accueillir. Tu vas être surpris qu'en face de toi, aux côtés de toi, il y a des gens qui adorent, qui ont la même doctrine comme ça là, qui ont reçu les mêmes révélations. Nous voici maintenant sur Internet qui nous sommes réunis. Sommes-nous donné rendez-vous? Est-ce que nous nous connaissons physiquement pour le savoir? Dieu a donné les mêmes choses à ses enfants. Que son nom soit éternellement glorifié. Donc, si cette sœur m'écoute maintenant, qu'elle comprenne qu'elle ne dise plus jamais qu'elle est seule. D'abord, un, elle avait le Seigneur parce que le Seigneur a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si on obéit à sa voix en sortant d'abord, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va nous accueillir, c'est ce qu'il a promis. Et maintenant qu'il va promettre, il va joindre au fur et à mesure les gens à toi. Vous allez communier ensemble. Ne te sens pas seul de façon sentimentale, de façon charnelle, dit en disant que la communion de cette... Je sais que les tentaments qu'on fait dans cette dénomination-là manquent à beaucoup de personnes. Mais c'est mieux d'écouter la voix de Dieu. C'est mieux d'être là où Dieu t'attend que d'être à la majorité et périr. Alléluia. Amen. Oui. Et bien plus. Oui. Alléluia. Amen. Bien plus, ma chère sœur Claire, fais-les comprendre que les, n'importe où elles sont, il faut qu'elles nous fassent l'état des lieux de là où elles se trouvent, que ce soit à Milan, n'importe où, à Manchester. Comme ça, on va les connecter avec des frères et des sœurs qui sont dans des maisons qui pourront prier ensemble. La sœur qui vient de poser la question, elle peut faire comme ça, à deux pas de sa maison, il y a des frères qui se réunissent là-bas, mais elle ne les connaît pas. Mais maintenant, si peut-être on est en contact, en donnant sa destination, sa description, son adresse, hors antenne, on peut la connecter avec quelqu'un qui est proche d'elle. Donc ne dis jamais, sœur, frère, que vous êtes seul. Alléluia. Donc elle donne les descriptions, qu'elle donne le lieu géographique où elle se trouve. Comme ça, on pourrait les connecter avec des frères et sœurs. Et on va adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Donc je vais continuer en disant ceci. Si vous regardez l'ordre des cultes, voilà, ma chère sœur, si tu permets, j'aimerais bien expliquer à quelqu'un ce soir. L'une des doctrines les plus pernicieuses qui soit entrée dans l'église, c'est ce que Jésus appelle dans Apocalypse chapitre 2. La doctrine des Nicolaïtes et la doctrine de Balaam. En fait, si la doctrine de Nicolaïte s'attache quelque part dans un système, directement la doctrine de Balaam va s'installer. Ma chère sœur, est-ce que les gens savent vraiment ce que c'est que la doctrine de Balaam? Ah, oui. Il faut que... Voilà. Oui. Que Dieu les pardonne. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Soit écoute la voix de Dieu. L'apôtre Paul a dit qu'il n'a pas résisté à la vision céleste. Imagine quel combat l'apôtre Paul a eu avec Gamaliel, avec ses amis, les ex-pharisiens. Imagine ce qu'il a eu. Mais c'était la vision du Seigneur. Et saisis seulement la vision du Seigneur et fonce, ma soeur, comme tu es en train de foncer. Amen. Tes œuvres ne seront pas vaines. Donc, j'ai dit ceci. L'une des doctrines les plus pernicieuses qui soit dans le milieu déliminationnel, j'ai dit seulement cela pour que les gens comprennent pourquoi Dieu demande de sortir de là. Souvenez-vous, c'est Jésus-Christ qui parle à l'église. Il dit, écrit et envoie-le aux sept églises qui sont les sept dispensations de l'église. Et nous sommes à la dernière dispensation, l'église de Laodicée. Il dit, misérable, aveugle et pauvre, nu. Et l'église de Laodicée ne se connaît pas. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'église de Thyatira? Il a dit quoi dans le chapitre 2? Il dit quoi? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as des hommes attachés à la doctrine de Nicolaïte. Écoutez bien ceci. Nicolaïte vient du grec Nico et Laï, qui veut dire Nikos conquérir le peuple, dominer sur le peuple. Donc, dans cet âge de l'église, il y avait le Ignace d'Antioche qui a commencé à écrire que là où il y a l'évêque, là où il y a l'église du Seigneur. Or, la Bible nous déclare que l'église locale est divisée par dirigée par un comité d'enseignes. Partout, vous pouvez voir cela dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 23, à chapitre 20, verset 17 et autres. En fait, donc, Ignace d'Antioche a commencé à dire que là où il y a l'évêque, là où il y a l'église. Petit à petit, un groupe a commencé à s'élever. Quelqu'un a commencé à s'élever. Mais maintenant, ma soeur, ce qui est supplémentaire, c'est que tous ces choses qu'on a en train de dénoncer ont leur semence dans la Bible. Souvenez-vous, quand j'ai commencé à parler sur le début, j'ai touché l'Ancien Testament et les pharisiens pour parler. Remarquons bien que la doctrine de Nicolas également a commencé dans la Bible. Lisons quelque part. Allons-y pour voir un homme qui s'est levé. Alléluia. Prenons le livre de 2 Jean. Amen. 2 Jean. Ou bien, prenons 3 Jean. 3 Jean. Amen. 3 Jean. Lisons le livre de 3 Jean. Il y a des révélations dans la Bible, c'est que Dieu dit. Écoutez, la Bible dit 3 Jean, à partir du verset 1. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis finalement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Écoutez maintenant verset 6. Lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir aller voyager d'une manière digne de Dieu. Verset 7 maintenant. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis pour, sans rien recevoir des païens. Écoutez, bien-aimés, nous devons accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Verset 9, enfin. Écoutez bien là où la doctrine nous collecte, la sémence de cela. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, écoutez ce nom, Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne reçoit point. Ne nous reçoit point. C'est pourquoi je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. C'est terrible, mon frère. Donc, Diotrephe avait cet esprit donc de Nicolas directement. Il aimait être le premier place. Il aimait être considéré parmi les gens. Voilà cet esprit. C'est tombé sur Ignace d'Antioche. Il a dit là où il y a l'évêque, là où il y a l'Église. Pourtant, Jésus-Christ a dit que lorsque vous assemblez, ce sont les évêques, les gens qui se considèrent par eux comme les grands, qui doivent être les serviteurs. Et jamais un homme ne s'était jamais levé dans l'Église. C'est pour dire ceci. Dans le système dénominationnel, vous allez voir que c'est un homme et sa femme, ou bien un homme avec son beau-frère, ou aussi de suite. Son beau-frère va s'installer à la batterie. La petite sœur va coordonner les louanges, sa femme va coordonner les moments des offrandes. C'est entre eux. Donc c'est une entreprise familiale. Suivez-les de très près. Particulièrement l'heure des offrandes est à surveiller parce que pour que quelqu'un ne prenne pas les dîmes et les offrandes. Alléluia. Donc, cette doctrine-là, les autres peuples, le bas peuple reste là, on les appelle les laïcs, imagine. On les appelle donc les clergés. Clergé vient du mot grec qui veut dire héritage. Donc, il y a un groupe qui s'est levé, qui sont clergés, l'autre sont laïcs, c'est-à-dire le peuple, le bas peuple. Or, la Bible déclare que nous tous, nous sommes l'héritage de Dieu en Christ. Alléluia. Il n'y a pas un groupe qui est clergé, c'est-à-dire héritier, et l'autre est laïc. C'est cette doctrine que Dieu dénonce. Vous entrez dans chaque dénomination, vous allez voir que l'assemblée est séparée. Il y a un groupe de gens spécialement assis sur une chaise spéciale. Tu ne peux pas t'asseoir sur cette chaise. On va te dire que ça, c'est les chaises des anciens. L'autre, c'est les chaises des pasteurs. Et les chaises entouffent. Le ventilateur, la climatisation, le système est braqué sur eux. Les autres personnes sont assises, d'autres sur le banc, d'autres sur les chaises. Chacun connaît sa place. 20 ans, on sermonne. Chacun est assis là-bas. Les gens ont vieilli dans la foi. Tu lui demandes, en Christ, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ça fait 20 ans, je suis dans la foi. Personne n'a sa place. Or, chaque personne a quelque chose à apporter. Le système dénominationnel doit être brisé. Mais souvenez-vous de ceci. Je veux dire quelque chose. Souvenez-vous de ceci. Le système dénominationnel ne peut pas être changé absolument de façon radicale. Dieu appelle seulement son peuple à sortir. Il y a des pasteurs à qui j'ai parlé qui ont accepté et cassé ce système-là. D'autres qui n'ont pas été humbles. Mais ceux à qui ce message est destiné écouteront et comprendront et viendront. Personne ne peut forcer quelqu'un à entrer dans le corps de Christ dans la volonté parfaite de Dieu. Jésus a dit que je connais mes brebis et me connaissent. Ceux-là, il faut que je les amène. Donc, si le Saint-Esprit ne révèle pas quelqu'un, il ne viendra pas. Je prie donc que mes frères, mes soeurs qui m'écoutent maintenant, sachent que l'esprit de Nicolaïque est dans la dénomination. L'esprit de l'Éconaïque est dans la dénomination. Et quand il y a ça dans la dénomination, on va organiser les séminaires. Tout va être payant. Les services vont être payants. Les prières, les visites pour avoir le membre de Dieu, il faut être payant. Il faut passer par les standards. Toutes ces organisations-là, ça ne vient pas de Dieu, mes soeurs. Alléluia. Il faut que nous soyons humbles pour reconnaître que nous avons fauté quelque part. John Wycliffe est venu, il a traduit la Bible, les gens ont lu. Maintenant, ceux qui étaient dans l'Église catholique, qui avaient suivi l'institution, les traditions des hommes, sont sortis et ont continué. Les puritains sont sortis, ils ont continué en marchant d'après la parole de Dieu. Vous allez me dire qu'il y avait les gens de l'Église catholique, ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Dieu sait son peuple. Le peuple de Dieu est scellé par génération. Ceux qui vont écouter la voix dans la dispensation vont entrer. Écoutez la voix de Dieu dans cette génération. Vous qui m'écoutez, ne regardez pas en arrière. Ne commencez pas à dire où sera Judas, il sera en enfer au paradis. Judas, son compte est réglé. Ne regarde pas ceux qui étaient dans la dénomination depuis, qui sont morts. Où seront-ils? Maintenant, Dieu te demande de sortir. Ne regarde pas en arrière comme les Juifs qui sont sortis de Canaan et dit comment pour les Égyptiens, et mangent au moins. Non. Fixe les yeux sur Canaan. Fixe les yeux sur Canaan. Franchissons le mur. Quittons Kadesh Barnea. Franchissons cette eau de Jourdain et traversons. Ne murmurons pas, frère. Ne murmurons pas, ma soeur. Deux personnes seulement sont entrées sur 2 millions de personnes qui sont sorties. Qu'est-il arrivé? Parce qu'on a murmuré. On raisonnait en nous-mêmes. Ne crois-tu pas que nous ne pouvons pas faire? Nous ne pouvons pas faire ceci. Dieu s'est-il trompé? Non. Dieu connaissait qu'à Canaan, il y avait les Anakins. Mais il a dit que c'est pour vous. Dieu commande à son peuple de sortir du milieu d'eux. De sortir du milieu d'eux. À l'instant où quelqu'un identifie de quel milieu on doit sortir, c'est clair dans la Bible que c'est les dénominations. Il a dit la grande Babylone, la mère des impudiques. et des abominations de la terre, les impudiques, toutes les doctrines qui ont été installées à partir du concile de Nicée, concile de Constantinople et autres conciles qui ont eu lieu, est infestée dans toutes ces dénominations. Voilà pourquoi les gens vont accepter la parole de Dieu jusqu'à un certain niveau, ils vont rejeter. Pourquoi? Parce que ce sont les décisions consulaires. Si tu veux bâtir une œuvre d'après le Seigneur, ils vont bâtir d'après la révélation de la parole de Dieu. Et en fait, si tu n'as pas été appelé par Dieu pour bâtir son œuvre, tu ne peux pas bâtir. Tu vas faire tout par imitation. Tu vas faire tout par imitation. Alléluia. Mais la volonté parfaite de Dieu, en cette époque, c'est qu'on sorte des dénominations. Alléluia. Amen. C'est bien. C'est le signe vraiment que tu es dans la voie. Alléluia. La Bible déclare dans Amos. Amen. La Bible déclare dans Amos chapitre 3, le verset 3, que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être accordés? Comment au monde quelqu'un qui prie avec les statues peut se réunir avec quelqu'un qui prie le Saint-Esprit? Je ne peux pas comprendre, ma soeur. Je veux que quelqu'un m'explique. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui prie la Vierge Marie se réunisse quelque part avec quelqu'un qui vit la sainteté? Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui vive dans l'iniquité, dans l'impudicité, communie avec un saint dans la foi? C'est pas possible. La Bible déclare que vous êtes saint. Le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Donc la communion, c'est en esprit et en vérité. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu pour Éphésiens chapitre 4. Il a dit que, étant monté, il a fait les dons aux hommes. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs et comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints et de l'éducation de l'œuvre de Christ, en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Le Saint-Esprit est en train de regrouper ces gens. Le Saint-Esprit est en train de travailler. L'unité de la foi dont parle la Bible est en train d'être atteinte. Ce n'est pas l'union. C'est ça où les gens tombent. Dieu n'a pas parlé de l'union, que non, il faut qu'on se réunisse avec telle dénomination, se réunit avec telle dénomination. Non. Ça, c'est l'œcuménisme. C'est ce que la Bible appelle l'image de la bête. Donc, toute personne qui fait partie d'une dénomination, vous allez vous réunir sur une image appelée, sur un conseil appelé Conseil mondial des églises. Faites votre recherche. Si votre dénomination se trouve d'ailleurs dans le conseil économique, sache que toi, tu es vendu au diable. Tu es vendu au diable, c'est le cas de le dire. Maintenant, si elle n'est pas encore, la loi va sortir sur la terre. Tous ceux qui ont les dénominations vont se rallier à l'église catholique. C'est ce qui est écrit, parce que vous êtes ses filles. Elle est la grande Babylone. Amen. Exactement. Puisque c'est là. En fait, voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi Dieu nous envoie pour parler afin que les gens sortent de là. Beaucoup de personnes ne savent pas que, comme l'œcuménisme a commencé sous Constantin, c'est ça qui a commencé. En 1966 et 1967, il y a eu le concile de Vatican II où on a profiné cela. Les églises protestantes qui étaient sorties sous Martin Luther, j'imagine que si Martin Luther pouvait comprendre cela, il va encore revenir quatre fois boxer seulement les gens cette fois-ci avec les mains. Parce que là où il avait demandé aux gens de sortir, les gens sont encore rentrés. En fait, ils s'appellent les églises sœurs pour montrer qu'ils sont là par affinité. Dieu n'a pas parlé de l'union. Dieu a parlé de l'unité de l'esprit. L'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 5, n'étant pas à Corinth, il dit, vous et mon esprit étant assemblés ensemble, n'étant pas présents de corps. C'est l'unité de l'esprit. Le même esprit va révéler la même parole partout dans le monde entier. Et les chrétiens qui recevront la même parole vont être unis dans un seul corps. C'est comme ça que Dieu veut. Dieu ne parle pas de l'union, il parle de l'unité. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que les religieux, ceux qui sont en Amérique doivent comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Ceux qui sont en Amérique doivent comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Tous les évangéliques religieux sont été liés à l'église catholique, sont allés faire allégeance avec Rome. Tous les évangéliques, les grands pasteurs qui sont à l'évangélique, les grands pasteurs qu'on connaît à la télévision, les télé-évangélistes, ont fait allégeance avec Rome. Maintenant, pour dire que nous sommes... Oui? Oui? Oui. Exactement. Vous pouvez voir autant. Tout cela ont fait Billy Graham, comme tu as cité, pour ne pas le citer, mais il faut qu'on cite pour que les gens, les enfants de Dieu savent. Billy Graham, Benny Hinn et autres ont fait allégeance. Et le sénateur, celui qui a créé Campus pour Christ, ils ont fait allégeance avec l'église catholique. Nous avons les vidéos à notre possession. Tout cela, remarquez très bien comment ils s'asseyent. Quand ils s'asseyent dans leur conseil, le pape, son trône est toujours en haut pour montrer que ce sont les églises mères. C'est elle qui contrôle l'église mère. Apocalypse chapitre 13 dit qu'il lui fut donné le pouvoir de faire l'image de la bête. L'image de la bête. Que l'image de la bête parla. Et à partir de là, il est écrit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, ça veut dire que tous ceux qui ne vont pas plier bagage pour entrer dans le conseil communautaire de l'église, tous ceux qui vont sortir, voilà pourquoi Dieu dit qu'on sorte pour se réunir en assemblée de maison. Je ne sais pas comment il va faire pour que les gens puissent comprendre, mais je prie le Seigneur de lui-même de donner ces choses aux gens. À l'instant où les gens vont avoir les autorisations des chefs de l'État et des gouvernements, on va les forcer. Il y a des lois qui vont être votées. Les gens vont se plier. Tous ceux qui ont ils vont dire que pour qu'on contrôle bien la chose, pour que ça n'aille pas à la dérive, comme il y a eu les tentamas des différentes dénominations qui sont sorties, pour qu'on puisse contrôler l'Église. Et c'est normal. L'État sur place doit contrôler toute association afin que ça ne soit pas une association montée contre l'État. Mais c'est le plan de l'Antichrist qui est derrière. Dieu nous révèle que tous ceux qui vont refuser ces catégories de faire vont subir la persécution. De mes soeurs dans le monde, mon frère dans le monde, toi qui m'écoutes maintenant en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, quel que soit l'endroit où tu me trouves, sache que nous sommes appelés à cela. Dans Actes chapitre 14, verset 22, l'apôtre Paul dit, il passait partout avec Barnabas, il fortifiait l'esprit des disciples. Et il a dit que sachez que c'est par quelques tribulations et difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume. Donc les difficultés, c'est la nourriture quotidienne du chrétien. Jésus-Christ est le dispensateur de ces persécutions-là. Si quelqu'un croit être prophète ou apôtre, la Bible déclare qu'il reconnaît que ces commandements-là, c'est un écrit, un commandement de l'Éternel. Donc on ne peut pas faire autrement. La marque de la bête viendra à l'intérieur quand on va commencer à entrer dans ce système de dimensionnel. Et maintenant, l'image, pendant que Christ, par son Saint-Esprit, en train de verser l'unité de la foi. Imaginez, comprenez ceci, l'unité de la foi, c'est l'unité de la parole pure dans la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand la parole de Christ va être donnée de façon unanime, de façon directe, de la même façon, en quelque lieu que ce soit, selon sa préscience, il va sceller son épouse et va les enlever en ces milieux. Et parallèlement, pendant que l'Esprit de Christ agit pour regrouper ses enfants, l'Esprit antéchrist réunit également ses fidèles à elle. C'est ça qu'on appelle Babylone la Grande, ce système babylonien qui a commencé sur Nimrod. Souvenez-vous, Nimrod veut dire rebelle. C'est Nimrod qui a commencé à être puissant sur la terre. Il a commencé dans la Genèse, au chapitre 11, pour construire un tour de Babel. Babel, la confusion. Là où on ne peut pas parler le même langage, mais il faut qu'on s'entende à tout prix. Ça veut dire que c'est la vérité qui prend place, qui cède la place à la réunion. Non, Dieu n'a pas parlé de l'unicité. Dieu a parlé de l'union, l'union de l'esprit, l'unité de l'esprit. Il n'a pas parlé de l'union. Ce n'est pas l'union charnelle, non. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5 dit donc que, n'étant pas présent de chair, je suis présent en esprit. Vous et mon esprit étant assemblés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et vous voyez cela. Donc tous les chrétiens, je vous ai dit que l'église c'est le corps de Christ, c'est le corps glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Donc tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ depuis la première Pentecôte jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, ceux-là sont appartenus. Donc ça veut dire que les gens qui sont morts depuis en Christ, ils font partie. Mais sur la terre, c'est l'église locale. Donc toute personne qui n'est pas de cette église locale-là, Dieu ne le connaît pas. Eux, ils vont entrer dans le système antéchrist. Mais ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de l'esprit du Dieu vivant, Dieu les appelle à sortir parce qu'il en a voulu faire quelque chose. Il dit, sortez du milieu de mon peuple. Beaucoup de pasteurs se tuent maintenant à pouvoir avoir la régulation en voulant respecter l'autorité de l'État. Ils ne savent pas quel est le piège dedans. J'aimerais bien m'asseoir avec des pasteurs, m'asseoir avec des prophètes pour leur expliquer d'après la parole de Dieu ce qui est en train d'arriver sur l'église. Dieu veut sceller son épouse. Voilà pourquoi il demande que les gens sortent du milieu d'eux. Que les gens sortent de... La dispensation dénominationnelle est passée. C'est exactement ça. Ce qui s'est passé depuis 1000 ans de ténèbres, quand il a suscité Martin Luther en disant, va dire que ce n'est pas la vente des prières. Mon juste vivra par la foi. Quand c'était terminé, il a scellé le groupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean Calvin est venu, elle a dit quoi? Avec la sanctification. Il a dit, après être accepté par la foi le salut, il faut être sanctifié. Par la suite, qu'est-ce qui va venir? William Seymour va venir avec le baptême du Saint-Esprit. Par le pentecôtisme, on va voir quoi? Qu'il y a eu les trois qui ont été unis. Pourquoi? Parce qu'il y avait la justification par la foi, il y avait maintenant la sanctification, les dons du Saint-Esprit étaient restaurés. Et maintenant, on était maintenant en plein maintenant d'entrer dans la voie parfaite de Dieu. Parce que la parole sans l'esprit est l'être mort. Voilà pourquoi Dieu était à l'œuvre à ce que le maïs qui a été planté à la Pentecôte monte à maturité. Souvenez-vous dans Matthieu, dans les paraboles de Matthieu, quand il a parlé de ce monde-là, de ce champ dont la bonne semence a été semée et l'hiver a été semé, il avait dit aux anges que n'allez pas faire de peur que dans la confusion, vous ne découpez le vrai. Parce que le vrai et l'ivraie sont côte à côte. Et tellement le faux biais est tellement proche du vrai que il faut un objet spécial pour pouvoir détecter le faux biais. C'est de la même façon. Voilà pourquoi Christ est en train de sceller son épouse. L'antichrist est en train de sceller son épouse. Souvenez-vous, c'est l'image de la bête. Le faux prophète, la papauté, le Vatican va contrôler cela. Le conseil communique de l'église. Donc si toute personne qui m'écoute maintenant, c'est que son assemblée a fait à l'agent avec l'église catholique. Tapez dans votre région, dans votre pays, partout où vous vous retrouvez. Tapez la liste des membres du conseil communique. Si vous voyez le nom de votre dénomination là-bas, sortez rapidement, mes chers amis. Si vous n'avez pas encore vu, écoutez-moi maintenant, peuple de Dieu qui m'écoute maintenant. La loi sera mondiale. Ça sera mondial. On va l'accepter de façon unanime. Comme le FMI, la Banque mondiale, prend les décisions et ça circule dans tous les pays. C'est la même façon que ça va se passer. C'est devant nous maintenant. La loi va sortir. Toute personne qui a des églises avec des noms, comme on dit là, des dénominations avec des décrets, doivent être dans chaque zone contrôlée par une paroisse. Et les cardinaux, les évêques seront au-dessus d'elles et vont rendre compte à l'église catholique. Que vous l'admettez ou non, vous voulez ou non, les gens vont sortir et ça sera trop tard. Alors on va voir quoi? Matthieu chapitre 25, verset 1 à 6 va s'accomplir. Les vierges sages ont pris l'huile, le Saint-Esprit. D'autres étaient purs, c'était des vierges, mais ils n'ont pas compris la volonté du Saint-Esprit. Ils n'ont pas été scellés. Alors par conséquent, ils n'ont pas répondu à l'appel. Quand on est entré, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de personnes vont aller dans la grande tribulation. Ils vont dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ils vont entrer dans l'obscurité de dehors. Pourquoi l'obscurité? Parce que la lumière du monde est quittée. La lumière, la Bible, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible déclare que vous savez très bien ce qui retient afin que l'impie n'apparaisse qu'en son temps. Quand l'enlèvement va avoir lieu, l'impie va se manifester. Les chrétiens qui vont rester sur la terre vont reconnaître que tout ce qu'on leur prêchait était la vérité. Rentrons dans la simplicité de la parole. Rentrons dans la communion fraternelle. Et en plus de cela, Satan connaît mieux que nous le principe biblique de la répartition géographique et de la dispersion des sels. Le sel, quand vous versez dans la nourriture, si vous ne circulez pas le sel dans toute la nourriture, il y aura des zones qui auront des sels, il n'y aura pas. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Il faut qu'on soit dispersé. Dans votre quartier à Dublin, dispersez-vous dans les différentes maisons afin que les communions soient là. C'est anormal devant Dieu. C'est une faute devant Dieu que quelqu'un qui parcourt 50 km parce que la dénomination qui est à côté de lui n'a pas de même doctrine. C'est une faute. Voilà ce qui montre que la communion fraternelle est divisée par les dénominations. La dénomination et les écoles théologiques, la théologie, l'étude de Dieu a fait beaucoup plus de mal à l'œuvre de Dieu. Regardez très bien comment l'Église, j'ai dit tout à l'heure là que le Saint-Esprit est mentionné. L'Esprit est mentionné 57 fois seulement dans l'Acte des Apôtres pour montrer que c'est le Saint-Esprit qui conduisait l'Église. Regardez comment les Éthiopiens rentrent de Jérusalem pour adorer. Le Saint-Esprit enlève Philippe pour l'envoyer là-bas pour aller lui prêcher. Pour dire que si tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu va se révéler à toi. Toute personne qui était sous un joug étranger, sous un joug religieux, au nom de Jésus-Christ, que vous en soyez libérés maintenant. Je prie le Saint-Esprit de toucher tous ces pasteurs qui écoutent maintenant, tous ces prophètes qui écoutent maintenant, qu'ils posent des questions et qu'on leur réponde, qu'ils écoutent la volonté parfaite de Dieu pour cette époque. Souvenez-vous de ce que j'ai parlé comme dispensation. Caïphe était souverain sacrificateur selon l'ordre de Moïse, selon l'ordre de Aaron. Mais le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek était là. Les deux souverains sacrificateurs étaient côte à côte. L'une des dispensations devait disparaître alors que l'autre devait faire place. C'est la zone tampon. C'est la zone tampon qui crée le trouble comme ça. Beaucoup de personnes étaient dans l'expectative. Ils se posaient la question si Jean était le Christ. Parce qu'ils attendaient le Messie depuis. Le Messie était au milieu d'eux. Il leur a montré que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça n'a pas empêché qu'ils rentrent encore dans les rudiments du monde. Pourquoi la confusion? La période où les dispensations s'entrechauffent, se chevauchent, c'est là le problème. Si le Seigneur tarde à venir, les années qui viennent devant nous, on va voir clairement la distinction. Les persécutions qui ont lieu en Chine, au Népal, en Inde et au Pakistan sur les chrétiens, ça va se répandre exactement comme ça pour que les chrétiens reviennent en ordre. Et remarquez bien le réveil qui est en Corée du Sud, en Corée du Nord. Remarquez très bien, plus on se rassemble comme ça, plus on est dans l'unité de l'esprit, plus le Saint-Esprit se meurt, il y a des miracles, des prodiges, le Saint-Esprit se dégage. Mais la division, les dénominations, c'est les divisions. Vous voyez une personne traverser une dénomination à côté de sa maison pour aller prendre le taxi, aller quelque part. C'est une abomination devant le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, vous êtes des tels, nous sommes des tels. La Bible répond, qu'est-ce que Paul, qu'est-ce que Apollos? Des serviteurs par le moyen où vous avez cru. Vous voyez, on commence à croire que l'Église c'est un lieu, alors que c'est le corps, notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, et nous sommes membres les uns les autres. Vous voyez comment un chrétien quitte un lieu pour aller traversant des centaines de kilomètres pour aller adorer quelque part. C'est une abomination. Et Jésus dit, elle est venue, où ce n'est ni à Jérusalem, ni dans tel lieu qu'on doit adorer, mais l'adoration de Dieu c'est en esprit et en vérité. Et Jésus a dit, sanctifie par sa parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et il a dit dans Jean chapitre 16, que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira en toute la vérité. Le Saint-Esprit ne peut pas donner une révélation contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu est le dernier habit. C'est l'absolu, c'est le définitif. Alléluia. Amen. Y a-t-il encore des questions dans le monde entier? Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces doctrines, il faut qu'on, avec le temps, je ne sais pas quand le Seigneur permettra, on va aller à l'origine. Je vais recommencer une chose. Si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 20, vous lisez à partir du verset 17, la Bible déclare que des milliers, l'apôtre Paul envoya chercher les anciens de l'église d'Éphèse. Et étant venu donc à lui, il leur a dit, parce qu'il voyait, il sentait déjà sa faim. Il dit que moi, j'ai passé au milieu de vous. Je n'ai pas craint de vous annoncer publiquement dans les maisons les conseils de Dieu. Il dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Maintenant, il dit, voici, je m'en vais à Jérusalem, lieu maintenant. Je m'en vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui va arriver. Mais il a dit quoi? Il dit, vous, au milieu de qui j'ai prêché, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Ça veut dire que la responsabilité est entre leurs mains. Mais maintenant, il donne une prophétie. Il dit, je sais qu'après mon départ, il se lèvera du milieu de vous. Regardez très bien cela. Satan ne peut pas venir se présenter en tant que Satan, non. Satan ne peut pas. Remarquez très bien Judas. Judas, si Judas était à l'extérieur des disciples, on pouvait facilement le détecter. Il était dans l'adoration avec le Seigneur. Il était sournois. La Bible déclare qu'il n'avait pas au même ministère. Mais ce qu'il n'avait pas, il n'était pas prédestiné à cette tâche-là. Alléluia. Il ne pouvait pas être du groupe des élus. Amen. Donc, la Bible déclare que quoi? L'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit. Il dit, je sais, le grand prophète, voyant dans le futur, il dit, je sais qu'après mon départ, il s'élèvera du milieu de vous. Alléluia. Des loups cruels du milieu de vous. Je veux que les gens comprennent cela. Du milieu des chrétiens. Du milieu des chrétiens. Et Jésus avait prophétisé dans Matthieu 24, verset 24. Il dit, si l'on vous dit qu'il est ici, n'y allez pas. Si il est dans un tel lieu, n'y allez pas. Il dit, comme l'éclair part de l'Occident et le Royaume, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Mais il a prophétisé en disant ceci. Il dit, plusieurs faux Christ

Ok, maintenant je vais lire le verset 31. Tout le monde me suit. Regardez verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc je lance le défi à quiconque disait que c'est parce qu'il était dans la persécution qu'il réjouissait dans la maison. La Bible dit ici que dans la Judée, la Samarie, la Galilée, l'église était dans la paix. Remarquez très bien ça à la conversion de l'apôtre Paul. Amen. Donc, quelqu'un peut me dire que c'est parce qu'il partait au temple, il allait dans les maisons parce qu'il y avait la persécution. Voici, la Bible déclare qu'ils étaient dans la paix. Dans la paix, il y avait la tranquillité. Et l'église croissait. La Bible déclare plus tard que le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, si ça croissait, le nombre augmentait, ils n'avaient pas besoin de terrain, ils n'avaient pas besoin de lieu de prière, mais c'est le respect dans la maison. Ils comprenaient que la répartition géographique, le chrétien, l'église est délimitée, l'église locale est limitée. La géographie du lieu limite l'église locale. Donc, si tu es à Paris, alors tu fais partie de l'église de Paris, pas les églises de Paris. Non. Alors maintenant, si tu es à Paris 8e, Paris 7e, tu fais partie de l'église qui se réunit à Paris 8e. Vous allez vous réunir à proximité. Si vous quittez Paris 8e pour aller à Paris 12e dans une réunion là-bas, vous êtes coupable devant le Seigneur. Alors, si tu es quelqu'un à Paris 8e, ouvre ta maison au Seigneur et commence à prier là-bas. Invite les frères. Dites, frère, si vous connaissez quelqu'un qui est à Paris 8e auprès de moi que je ne connais pas, Dieu lui devient adoré avec moi. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Alléluia. Dans ce cas, il faut qu'elle cherche quelqu'un qui va la baptiser maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, elle se trouve dans, elle est dans quel pays? Oui, oui. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon. Vous voyez, c'est, ma soeur, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous lisez Ésaïe chapitre 28, verset 8 à 11, vous allez voir, la Bible déclare que toutes les tables sont pleines de vomissures. C'est quoi les vomissures? Les déchets. Les choses qu'on vomit. Il dit c'est précepte sur précepte, un peu par-ci, un peu par-là, règle par-ci, règle par-là. Pourquoi le Saint-Esprit, les gens s'enduisent au Saint-Esprit? Pourquoi les gens ne veulent pas laisser la parole de Dieu ce qu'elle dit? Vous voyez, c'est un peu passé. Moi, je crois que Jésus n'est pas Dieu, mais je crois ceci. Non, non, non, non, non, non. Le même Jésus qui s'est révélé comme étant le Dieu dans l'homme, s'est révélé, il a dit qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, la personne qui a ce nom-là. Maintenant, l'apôtre Pierre a dit 10 jours plus tard, il a baptisé les gens ainsi. Tout le monde a baptisé ainsi. L'apôtre Paul a baptisé ainsi. Donc, si c'est ça, écoute, de quel pays est-ce qu'elle appelle? Oui. Oui. Alléluia. Amen. Oui. Vous voyez, voilà autant de choses. Oui. Amen. Oui. Oui. Oui. C'est mal d'une façon. Parce que la Bible déclare que si elle veut poser des questions, qu'elle pose des questions à son mari à la maison. Mais maintenant, si tu n'es pas marié, comment tu vas faire? Alors, maintenant, voilà pourquoi vous avez votre réunion. Faites votre réunion où les femmes âgées, celles qui sont matures dans la foi, peuvent vous enseigner. C'est ce que la Bible déclare dans le livre. Vous voyez? Donc, parce que si vous posez des questions en milieu de l'assemblée, vous posez la question, c'est contraire à la parole de Dieu, parce que 1 Corinthiens 14 dit, mais je reconnais que quand c'est des dominations, au fur et à mesure, le Saint-Esprit va nous révéler les choses. Je sais que vous êtes dans le processus de nettoyage du Saint-Esprit. Au fur et à mesure, vous allez comprendre cette révélation, vous allez rester tranquille. Ou bien vous pouvez prendre le frère de côté, hors de l'assemblée, et puis lui poser des questions, parce que c'est des questions qu'il veut savoir, parce qu'il veut savoir, hors de l'assemblée, mais que ça ne soit pas dans l'assemblée des saints, parce qu'il a dit, comme dans toutes les églises des saints, mais que ça ne soit pas au milieu de l'assemblée, tel que la Bible a dit. Vous voyez ça, ma soeur? Donc, faites tout d'après la parole de Dieu. Amen. Oui. Si Dieu le permet, on sera ensemble encore à la même heure, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Oui. Amen. Amen. Absolument. Donc, dans votre réunion, partagez les différentes doctrines, les différentes choses. Et bien plus, la Bible déclare que le premier ministère, je répète encore, le premier ministère de la femme, c'est le ministère des silences. Parce que la femme ne s'est pas tenue dans le silence. Le Satan est entré voilà pourquoi la Bible déclare qu'elle doit aussi rester dans le silence, comme le dit aussi la loi. Pour montrer que la loi, là, ce n'est pas la loi des Corinthiens. C'était la loi de Dieu. Donc, la loi de Dieu veut que la femme demeure dans le silence. Alléluia. Qu'elle ne prenne pas autorité sur les hommes. Et l'église de Dieu, c'est le lieu de manifestation de l'autorité. C'est le lieu où on devait voir l'ordre. C'est le lieu où on devait voir l'obéissance. En fait, c'est pas nous que les dominations dans les lieux célestes devaient connaître au travers de l'église. La sagesse infiniment varie. Dieu a tellement régularisé la chose dans la parole que même l'aveugle puisse voir. Vous voyez? Donc, que les sœurs restent vraiment tranquilles. Entre vous, partagez. Libérez-vous, posez des questions qui vous nuisent. Alléluia. Et posez les questions ainsi. Mais lorsque vous êtes au milieu de l'assemblée, gardez votre question. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Priez, Dieu va vous guider. Vous pouvez même rester tranquille. Vous dites dans votre cœur, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec ces questions? Le frère qui est en train de diriger, le Saint-Esprit lui révèle cela. Il répond sans que vous n'ayez posé. Restez seulement à la position de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, les soeurs et les frères qui sont dans le monde entier, ils peuvent poser les questions. Est-ce que tu peux encore leur rappeler le numéro, ma soeur? Oui, dans le numéro, c'est le numéro. Oui. Oui. Amen. Amen. Amen. Donc, au sortir d'ici, je sais qu'on ne peut pas tout éplucher en un seul jour. À un moment donné, on va revenir sur ces antennes. On va comparer. En fait, il n'y a même pas comparaison à faire. En regardant, on va seulement parler des différentes doctrines, comment ça se réunissait. Et vous allez voir chaque fois qu'on va prendre l'examen, on va comprendre que